250 kills à la sortie du périph. Pourquoi la compétition? Plonge ton pied sur le champignon. Sur le champignon. Partout, partez là ou pas. Partout, partez là ou pas. T'es là ou pas. Chez moi, je vais chercher ma Gova, Ford Mustang GTR. Voiture de vénère, à cette heure, si ça gollerie plus. Moi et Vic, si on a trop été déçus. Ok, on part sur le freeway, bombard. On part à Bombard, là-bas y'a du soleil, des vagues de psychopathes. Top, top, départ, tout le monde les bras en l'air. Top, top, départ, ce soir c'est toi le lunaire. Top, top, départ, tout le monde les bras en l'air. Top, top, départ, ce soir c'est toi le lunaire. Bombard, bombard. Boom boom, zap zap boom boom, bar boom bar, boom boom, zap zap boom boom, bar boom bar, boom boom, zap zap boom boom, bar boom bar, boom boom, zap zap boom. Ouais ouais ouais, t'inquiète t'inquiète, on rabaisse la caisse caisse. Rat du sol, rat du sol, rat du sol. Faut que ça trace sur le bitume, faut que ça trace dès la couture. Faut que ça trace sur le bitume, faut que ça trace en mal costume. On éclate tout sur le terrain comme des souverains. On met les pendules à l'heure, pas là pour blaguer. Ok, on part comme des fusées. Top, top, départ, tout le monde les bras en l'air. Top, top, départ, ce soir c'est toi le meilleur. Top, top, départ, tout le monde les bras en l'air. Top, top. Départ ce soir, c'est toi le meilleur. Boom, bar, boom, bar, boom, boom, zap, zap, boom.